Acte une caravane. Je peux rouler à 30 km/h, réponse A. 40 km/h, réponse B. 50 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D.